Écoutez Rage et vous êtes les bienvenus dans Exocet. L'émission de ce soir est consacrée à l'événement le plus important du 21e siècle naissant, le plus médiatisé, le plus controversé aussi. Nous allons vous parler des attentats du 11 septembre 2001. Nous avons tous à l'esprit l'image invraisemblable des Twin Towers qui s'effondrent dans un chaos de fumée, avec cette impression confuse d'assister à un blockbuster hollywoodien. Comme des millions de personnes à travers le monde, nous étions sidérés, choqués, avide de réponse sur les raisons d'un tel massacre. 7 ans ont passé aujourd'hui, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, des zones d'ombre subsistent. Alors, il y a une explication officielle, certes, mais qui se heurte à l'incrédulité de centaines d'experts. Peut-on encore se permettre de remettre en cause la version officielle des attentats du 11 septembre sans passer pour un conspirationniste fanatique? La récente mésaventure de Marion Cotillard, pour ne citer qu'elle, tendrait à prouver que non. Mais nous voudrions montrer dans cette émission qu'on peut et qu'on doit garder l'esprit ouvert face à des éléments qui peuvent ébranler notre vision des choses, quitte à envisager l'inenvisageable. Pour ce faire, nous aurons Jean-Pierre Petit par téléphone, ancien directeur de recherche au CNRS, ingénieur aéronautique, qui s'intéresse de près aux zones d'ombre de la thèse officielle. Cet Exocet est plus que jamais vous entrer dans la face cachée du monde. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Alors pour commencer cette émission, on va faire un point sur la thèse officielle, sur ce que nous pensons savoir des attentats du 11 septembre, et c'est Thomas qui va nous raconter tout ça. Oui, alors un point très bref, puisque tout le monde connaît la thèse officielle, puisque c'est la thèse qui a été déversée et que tout le monde a connue, on a traité le sujet des centaines de fois. On va juste revenir sur certains points. Donc, les attentats du 11 septembre, ce sont 4 avions, 2 Boeing 757 et 2 Boeing 767, qui se sont transformés en véritables bombes incendiaires. Alors, sur les 4 avions qui ont participé à ces attentats, seuls 3 ont atteint leur objectif. On le sait tous, un quatrième, lui, s'est écrasé parce que les passagers, évidemment, ont été au courant des catastrophes qui étaient en train de se produire, ont pris contrôle de cet avion et l'ont fait écraser, du moins, c'est ce qu'on pense, parce qu'on a du mal à savoir quand même réellement ce qui s'est passé à l'intérieur de cet avion. Mais en tout cas, les passagers ont participé activement au fait que l'avion s'écrase pour éviter qu'il atteigne sa cible. Alors évidemment, le nombre de morts a été colossal. Sur le Pentagone, les dégâts ont été relativement légers. Ça a été, enfin, léger en termes humains, hein, puisqu'il n'y a pas réellement eu de morts au Pentagone. Ça a été essentiellement matériel. Par contre, en ce qui concerne donc les Twin Towers, les tours jumelles, évidemment, là, le nombre de victimes a été beaucoup plus conséquent. D'une part, à cause du crash des avions eux-mêmes sur ces 2 tours, et puis, de l'autre part, parce que les tours se sont effondrées suite, en tout cas, d'après la version officielle, suite à l'écrasement de ces 2 avions sur les tours. Alors, il y a évidemment, et on reviendra là-dessus, plusieurs zones d'ombre, et on en parlera avec Jean-Pierre Petit à ce moment-là. Un point quand même qui est important, c'est qu'effectivement, dans la mémoire collective, c'est un événement qui a marqué son époque. Je pense que tout le monde se souvient ce qu'il faisait ce jour-là. Moi, par exemple, je sais exactement ce que j'étais en train de faire le jour où ça s'est produit. Énormément de personnes l'ont vu en direct, donc tu le disais, cette sensation un peu de blockbuster américain qui arrive en direct live sur la télévision, vraiment, on est tombé de très haut, c'est la première fois qu'on voyait des images aussi choquantes en direct à la télé, puisqu'on le sait tous, le premier avion s'est écrasé. Là, il y a seulement des vidéos amateurs de ce premier avion qui s'écrase, mais très rapidement, la presse s'est informée, et sur place, avec des caméras, avec des moyens techniques, et filme donc ce deuxième avion qui percute la seconde tour. Et là, évidemment, c'est un choc absolument colossal. Alors, il va y avoir, vous allez voir, plusieurs éléments assez troublants. Même dans le rapport officiel, c'est lui qui est fourni, notamment en termes de décalage. Par exemple, un des avions était prévu pour décoller une minute après l'autre. Finalement, il aura du retard, il décollera 16 minutes. Donc ça, c'est dans le rapport officiel, des choses qui sont étonnantes, puisque pendant ces 16 minutes, il n'y a pas eu de réaction du tout, alors que l'autre avion était déjà en train de partir complètement à l'opposé de son objectif initial. Donc, évidemment, il faut replacer les choses dans le contexte de l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, un avion qui, à mon avis, fait 400 mètres en dehors de son couloir se fait abattre purement et simplement. Ouais. À l'époque, c'est vrai que certainement la réaction a été beaucoup moins rapide parce que l'avion est parti dans la direction opposée et la tour de contrôle a certainement dû, pendant ces 16 minutes, essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il allait à l'opposé de sa direction. Donc la réaction n'a pas été la même, mais c'est vrai que c'est étonnant de se dire que malgré des décalages d'un quart d'heure, enfin c'est pas rien, il n'y ait pas eu plus de réaction de la part des autorités. Et enfin, le 11 septembre, ce sont toutes ces victimes suite à l'effondrement des tours, et puis tous les dégâts collatéraux, je dirais, que ces attentats ont provoqué dans notre vision du monde, dans la géopolitique actuelle, et puis toutes les conséquences que ça a amené, que ce soit en termes de conflit ou en termes de rapport purement et simplement avec certains pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays de l'axe du mal et qui évidemment ont beaucoup de mal à sortir de ce credo-là et qu'on enferme sciemment ou pas dans ce rôle-là. Alors le 27 novembre 2002, soit plus d'un an après les attentats du 11 septembre, une commission d'enquête est lancée. Elle est dirigée par Thomas Keene, qui est l'ancien gouverneur du New Jersey. Et la commission rend son rapport en juillet 2004, c'est un rapport qui est censé faire la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais il est très rapidement controversé parce qu'il élude beaucoup de points déterminants, donc on y reviendra tout à l'heure, mais un des points les plus surprenants, vraiment, c'est l'effondrement de la tour numéro 7, qui a implosé littéralement à la verticale, comme si la démolition avait été contrôlée. En plus, cette tour s'est effondrée bien après les deux autres, et elle était à une centaine de mètres, donc ça, c'est un vrai mystère, et le point n'est même pas relevé par la fameuse commission d'enquête. Donc là, on peut vraiment se poser des questions, donc on y reviendra juste après la très courte pause musicale qu'on va marquer avec Jean-Pierre Petit. Restez avec nous. Yeah. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Dans Exocet ce soir, on parle des attentats du 11 septembre et des diverses zones d'ombre qui couvrent ce dossier. Pour en parler, nous avons Jean-Pierre Petit au téléphone qui, je crois, voudrait démarrer avec un parallèle historique. Bonsoir Jean-Pierre Petit. Bonsoir. Donc, vous me disiez hors antenne que le 11 septembre vous fait penser donc à une autre période de l'histoire très sombre. À des tas de périodes de l'histoire, si vous voulez, le fait que des conflagrations se soient produites dans l'histoire et que les gens aient douté que ces choses-là puissent se produire, ça c'est pas nouveau. Et ce dont je me souviens, non pas en tant que témoin parce que j'étais trop jeune, mais à travers le témoignage de mes parents, c'est ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire 1939. Ouais. En 1939, Hitler avait déjà développé un potentiel militaire terrible, il avait déjà réalisé l'Anschluss, il s'était approprié la Tchécoslovaquie, l'Autriche, etc. On sentait que ça allait très mal se passer, et des gens étaient inquiets, et on savait qu'il y avait des armements considérables, et à l'époque, les gens qui craignaient qu'une guerre se produise étaient appelés des alarmistes. Et je crois que tous les historiens vont en témoigner, 1939, les gens étaient anesthésiés complètement. Et nous vivons actuellement, en ce moment, dans une époque d'accumulation de tensions. En ce moment, Ziegler, dans une interview récente, nous disait qu'il y avait un Africain, un gosse qui mourait de faim toutes les 4 minutes. Hein, et toutes les 10 minutes, il y en a un qui tombe aveugle parce qu'il souffre de malnutrition. Vous avez les inégalités de salaire et de conditions de vie qui croissent de façon incroyable. Vous avez vu le documentaire sur le monde selon Monsanto. Les gens s'approprient. Je veux dire, ce monde du libéralisme est en train de créer une espèce de Far West économique épouvantable, avec des laissés pour compte, c'est terrifiant. Donc des tensions s'accumulent et on ne va pas du tout vers une égalisation des niveaux de vie, on va vers des situations de dominants et de dominés. Dans ce domaine-là, tout le monde sait très bien que les guerres comme l'Afghanistan et l'Irak, l'enjeu c'est le pétrole. Ce sont les ressources d'énergie. Thomas, tu veux réagir? Voilà, juste pour donc revenir sur le début de votre intervention, le parallèle que vous essayez d'établir, c'est de dire qu'en gros, en 1939, la population qui était anesthésiée face aux futurs événements qui allaient se dérouler, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle avec les attentats du 11 septembre, c'est-à-dire que la version officielle, soit on la croit, soit on n'a pas le droit d'en parler. Et donc, c'est là que vous voulez établir le parallèle. C'est dire que... Il est très facile maintenant de se documenter sur toutes ces choses-là. Bien sûr. Vous avez des sites comme reopen911.info. Sur mon site internet, il y a également des liens qui mènent vers différentes vidéos, etc. Donc quelqu'un qui a envie de passer son week-end à regarder des heures et des heures de vidéos et de bien méditer ça, il a des tas de façons de se rendre compte que la thèse officielle n'est plus soutenable. C'est pas possible. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'effondrement du bâtiment numéro 7. Comment peut-il être possible qu'une commission d'enquête passe complètement sous silence un événement aussi important que l'effondrement d'un bâtiment de 47 étages quelques heures après l'effondrement des tours du 11 septembre? Vous avez vu tout ça. Je veux dire que les experts architectes disent aucune tour ne s'est jamais effondrée et aucune tour ne s'effondrera, ni dans le passé, ni dans le futur. Alors vous juste, la thèse de démolition contrôlée, c'est gravissime, parce que ça évoque une chose, ça ne peut pas être Al-Qaïda qui a fait ça. Si c'est ça, c'est un auto-attentat. Alors excusez-moi de vous couper, juste... C'est le plus grave de toute l'histoire du monde. Alors juste, vous justement, c'est en tant que scientifique, donc parce que vous êtes entre autres ingénieur aéronautique, c'est en tant que scientifique que vous êtes penché sur la thèse officielle, que vous avez été intrigué par ce qu'on nous disait dans un premier temps. Disons que nous avons réagi avec un délai plus ou moins long suivant nos connaissances. Quoi. Ben, je me rappelle que si vous allez voir sur mon site, il y a déjà des dossiers de 2001. Donc dès qu'il y a eu l'effondrement des tours, moi j'avais essayé de comprendre ce qui avait pu se passer. Je pensais que les avions avaient percuté les cours et puis que comme il y avait des espèces de cages d'ascenseurs au centre, j'avais imaginé que le kérosène avait coulé dans ces cages d'ascenseurs et que ça avait brûlé et que ça avait ramolli les pièces en métal et que ça avait permis ceci, cela, etc. Mais jamais je n'aurais imaginé une démolition contrôlée. Ça paraissait complètement impensable. Mmh. Par contre, là où j'avais quand même drôlement accroché en tant qu'ingénieur aéronautique, c'était sur le Pentagone. Parce oui, alors voilà, même, moi je voulais revenir là-dessus. Sur le Pentagone, justement, beaucoup d'experts, hein, comme vous, prétendent que la combustion qui est sur les photos du crash du Pentagone ne peut pas être une combustion de kérosène. Et ah oui, moi je suis pas spécialiste, mais je peux vous dire que pour l'impact, je veux dire que c'est complètement impensable. Vous avez quand même un appareil qui arrive, qui est assez plein de kérosène, et puis en plus, ça j'avais tout de suite noté ce genre de choses, le fuselage d'un avion, mais c'est de la tôle de 2 mm d'épaisseur, c'est du papier de chocolat. Hein. Ouais, ouais, ouais. Les parties dures d'un avion, ce sont les axes des réacteurs. Donc si un avion percute quelque part, les endroits où les impacts vont être plus sensibles, c'est là où les réacteurs percutent la paroi. Oui, et pas au niveau du nez. Et il y a un autre élément, alors vous allez me dire si j'ai raison ou pas là-dessus, qui est assez troublant, c'est sur le crash du Pentagone, le fait que l'avion ait dû faire du rasmot à 80 cm du sol sans jamais égratigner un moindre mètre carré de pelouse. Ben oui, c'est complètement impensable un truc pareil. Je veux dire que il y a quelques mois, là, on a eu l'accès au plan de vol. Parce que au bout de X années, le Pentagone a fini par donner les points d'histoire du vol 77 en approche sur le Pentagone. Mmh. Et alors, quand on décode, on a besoin de décoder, puisqu'il y a même une vidéo, une image de synthèse qui montre tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous avez un terroriste qui vient de détourner un avion. Alors d'abord, quand on regarde le timing, c'est extrêmement intéressant, parce que vous avez les échanges radio. C'est-à-dire qu'entre le moment où le pilote donne un dernier échange de routine avec la tour de contrôle en disant « bon, bah, je prends direction, machin, etc. » et le moment où il va vers le Pentagone, c'est-à-dire qu'il a fait 180 degrés, il s'est écoulé 4 minutes. Alors, vous avez des terroristes qui ont réussi à s'approprier les commandes d'un avion en 4 minutes. Ouais. C'est extraordinaire. En plus, le truc, par exemple, moi, j'avoue que sur la scène de théâtre, on pourrait faire une chose pareille. J'ai un blouson de cuir, par exemple. Vous êtes face à un type qui a un cutter. Mais un cutter, c'est une arme ridicule. C'est ridicule, hein, c'est sûr. Vous prenez un coussin d'avion, et puis le type arrive avec son cutter, vous avez un mouvement, vous cassez sa lame. Bah, il va dire, attendez, bouge pas, je vais en sortir un autre petit bout. Par rapport à ça, on peut imaginer que les gens qui étaient dans l'avion n'auraient jamais pu croire, hein, quel était leur destin, et on ne peut pas finalement leur en vouloir de ne pas avoir été courageux. Ils ont sûrement dû se dire que l'avion allait être détourné. Les gens, il n'y a pas que les passagers. Il y a des gens qui ont bien connu le gars qui est censé être le pilote du vol 77, et ces gens-là, ils ont fait le Vietnam, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont été pilotes dans le militaire, et le type a dit, mon copain machin, il n'aurait jamais donné les commandes à un type armé d'un cutter, sans se battre, vous voyez. Vous avez un type qui arrive, qui vous dit, oh les mains, j'ai un cutter, et vous lâchez tout. C'est de la rigolade. En plus, vous savez qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour prévenir, pour lancer un appel au secours. Rien n'a été fait. Alors, juste, sur le Pentagone, c'est pas possible. Sur le Pentagone, alors, donc, sauf erreur de ma part, on n'a pas trouvé de débris d'avion, pas de fuselage, pas de moteur, pas de corps. Alors, l'explication officielle, c'est que la combustion du kérosène a tout brûlé, au point que tout a disparu. Mais attendez, allez voir sur les différentes photos, vidéos, etc. À un moment, le Pentagone s'effondre. Et vous trouvez un bureau avec du papier, avec des classeurs, avec un ordinateur. Ça n'a pas brûlé. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est un kérosène particulier qui brûle les corps, qui brûle les avions, mais qui ne brûle pas les bureaux. Beaucoup de gens disent que ça serait certainement une bombe creuse, qu'on appelle une bombe creuse, une bombe à plâtre, en fait, qui aurait été disposée. C'est tout sauf un avion. Voilà. Donc, c'est tout sauf un avion. Pierre, il y a quand même des choses extraordinaires. Voilà une attaque qui s'est faite en principe sur le Pentagone. Le Pentagone est protégé par, 48 caméras. On a trois images. Alors juste par rapport à ça, après la polémique qu'il y a eu sur le fait qu'il n'y avait pas d'avion sur le Pentagone, la Maison Blanche a donc essayé de faire taire ces rumeurs et a publié des clichés, 5 clichés exactement, qui provenaient d'une des caméras de surveillance à l'extérieur du bâtiment. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le bâtiment qui est censé être le plus surveillé du monde n'a apparemment qu'une seule petite caméra placée à l'extérieur. Et en plus, sur les clichés en question, on ne voit pas l'avion. On ne voit pas l'avion, on voit quelque chose ressemblant plus à un missile. Enfin, moi, des vidéos que j'ai vues, on voit quelque chose ressemblant plus à un missile. Alors, pareil, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. Beaucoup de gens disent que, suite au crash sur le Pentagone, le FBI serait intervenu dans énormément de lieux publics, stations-service, où il y avait des caméras de surveillance qui auraient été susceptibles de filmer la trajectoire, et ils auraient saisi toutes ces vidéos, et on n'aurait jamais eu la vision de ces vidéos en fait publiques ou d'endroits privés, hein, comme station-service, qui donc se sont fait réquisitionner leurs images vidéo. Et il y a une chose, par exemple, c'est quand on voit ce plan d'approche de l'avion par rapport au Pentagone, eh bien, c'est expliqué sur mon site, hein, parce que moi, comme je suis ingénieur d'aéronautique, je fais un dossier comme ça, j'ai expliqué un peu ça aux gens, ça en a secoué pas mal, quoi. Ben, vous avez donc ce type qui s'approche, et puis, quand il arrive au-dessus du Pentagone, je ne sais plus à combien, il est à 2000 mètres ou chose comme ça, donc c'est trop haut, alors il fait un 360 degrés pour arriver au ras du sol. Ouais, et quand ouais. vous regardez les images de synthèse ou les photographies, mais la meilleure solution, c'est de piquer droit dessus. Oui, c'est clair, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Et il y a eu beaucoup de controverses sur le fait que le trou donc, qu'on peut voir sur les clichés ne correspond pas du tout à un Boeing 747. Et c'est ce qui a valu à Thierry Messant, d'ailleurs, de se retrouver banni de tous les médias. Donc Thierry Messant, qui, je le rappelle, avait été un des premiers à s'opposer publiquement à la thèse officielle. Et donc, c'est Thierry Messant qui est devenu un petit peu le bouc émissaire et l'emblème même de tous les conspirationnistes. Aujourd'hui, voilà, on ne peut pas remettre en cause... Vous avez vu l'émission d'Arte d'avril 2004. Hein, oui. Voilà, qui s'appelait Le 11 septembre, on n'a pas eu lieu. Voilà. Oui, c'est ça. Avec le journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit... Mais Philippe Val. Vous allez nous montrer une foutaise complète, etc. Il y a Philippe Val, qui est le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Ouais. Il y a Kieffer, qui est spécialiste du renseignement. Et ils sont là, en train de faire le procès d'un type qui n'est pas là, parce que je vous assure que si Thierry Messant avait été là, il aurait coulé le bec immédiatement. Et ils sont là, et il y a un journaliste allemand aussi qui dit, mais de toute façon, Messant n'a pas vérifié ses sources. Aucun n'est allé sur place. Ils ont passé 2 coups de téléphone, et ils étaient parfaitement convaincus, tout allait bien. Il y a d'ailleurs, récemment, j'ai un ami journaliste qui a contacté la rédaction de Marianne à propos justement de ces choses-là, et la rédaction de Marianne leur a dit, vous savez, nous avons nos sources, alors c'est lesquelles? Eh ben, c'est la CIA et le Mossad. C'est formidable. Ouais. Donc d'accord. Autrement dit, la CIA et le Mossad leur ont dit ceci, donc ils ont la bonne version. Oui, donc quelque part, vous êtes en train de dire que la version officielle, enfin les journalistes qui délivrent la version officielle, en fait, n'ont pas plus, encore moins à la rigueur, vérifié leurs sources que Thierry Messant en affaire. Complètement. Je veux dire que quand vous voyez ce débat, hein, puisque il a été vu par plus de 1000 personnes depuis qu'on l'a installé sur Dailymotion, quand vous voyez ce débat à Arte, vous avez ces journalistes pédants qui sont Philippe Val, l'Allemand et Kieffer, et qui disent, vous comprenez, le journaliste, il faut laisser ça à des professionnels. Hein. Même il y a des commentaires qui sont faits dans ces films à propos de la façon dont Messant a été reçu à la télé. Alors que d'après vous, eux-mêmes n'ont pas fait un travail journalistique en délivrant la version. Mais c'est plus que tout, je veux dire, le véritable journalisme, maintenant, c'est Internet. Oui. Le journalisme officiel, c'est de la foutaise, c'est inimaginable. D'autant que Thierry Messant n'avait pas vraiment d'intérêt en tant que journaliste à s'opposer à cette thèse officielle, parce que donc il s'est retrouvé, donc comme on le disait, sur la liste noire, et il a eu quelques soucis ensuite, soucis personnels. Hein. Complètement, mais je veux dire que ce que je trouve extraordinaire, il y a eu cette histoire de Marion Cotillard, là, dont on a donné la vidéo avec l'interview dans les catacombes, etc. Et puis j'ai regardé une petite émission avec la journaliste qui avait écrit sur elle, deux de ses copines, et puis un jeune, mais vraiment... Quatre branlots de jeunes journalistes. Ouais. Et ils sont là en train de dire, mais vraiment, tout ça, c'est pas sérieux. Il y en a une qui s'appelle Elisabeth Lévy, ouais. Et elle est là en train de dire qu'elle ne comprend pas comment on se pose encore des questions 7 ans après à propos du 11 septembre. C'est une affaire réglée, quoi. Voilà, c'est vrai. Et c'est toujours pareil, c'est la théorie du complot. Mm-hmm. Et la théorie du complot, tout le monde rigole. Voilà. Bon, alors, simplement, ce que les internautes réalisent, c'est que leurs médias ne valent plus un clou, que leur télé, ça vaut rien, que leurs journaux, ça vaut rien, et que la seule chose qu'il faut faire, c'est essayer de partir à la pêche, essayer de s'informer. Moi, j'ai donné comme leitmotiv dans mon site, essayez de penser par vous-même, sinon d'autres le feront pour vous. Ouais, tout à fait. Bon, en même temps, il faut aussi savoir se méfier d'Internet aussi. Je vais lire un journal d'un type qui pense pour moi. Il a réfléchi, puis il va me donner ses réflexions. Ben maintenant, on a envie de dire, écoutez, pensez par vous-même, ça vaut nettement mieux que d'essayer de prendre ce que les gens vous sortent. Bon. Et l'émission d'Arte de 2004, c'est la honte du journalisme français. Il faut quand même aussi savoir se méfier d'Internet, qui n'est pas forcément non plus une source d'information toujours très fiable sur certains sujets et qui, parfois, fait des polémiques ou amène des choses sur des lieux communs sur lesquels il n'y aurait pas besoin de polémiquer normalement. Mais je pense sur le fond, vous avez... C'est très interactif. Oui. C'est très interactif. Par exemple... vous avez ce qu'on appelle des hoax, quoi, des fausses informations. Ben, vous avez entendu parler de cette équipe de gens qui s'appelle les Hoaxbusters. Ouais, ouais, bien sûr. Et moi, j'ai un site et les lecteurs me demandent de les informer sur ceci. Ils m'envoient des documents. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Donc, je fais un peu une forme de rôle, plusieurs heures par jour, de directeur de journal, de journaliste, de maquettiste, tout. Je fais le boulot. Mais tout bon, à fait. Évidemment, parce... je reçois des informations et quelquefois, ça peut être faux. Alors, je mets des trucs, et à ce moment-là, un lecteur me dit, mais dans l'heure qui suit, monsieur Petit, attention, on vous a filé une fausse information, ce truc-là, c'est faux. Ouais, parce que c'est vrai que sur Internet, bon, effectivement, on peut dire que... On y raconte parfois tout et n'importe quoi, mais il y a quand même un filtrage qui se fait, une sélection naturelle. Les infos réellement fiables se répandent. Bon, on parlait d'un site comme Reopen 9-11 tout à l'heure. Il y a des infos fiables qui finissent par se répandre, et puis d'autres. Par exemple, en préparant cette émission, j'ai trouvé différents chiffres sur, par exemple, le budget qui avait été alloué à la commission d'enquête sur le 11 septembre. Sur un site, j'ai lu que ce budget était de 600 000 dollars contre 20 millions pour l'affaire Clinton-Levinsky, et sur un autre site, j'ai lu qu'il était de 6 millions ou de 14 millions contre 20 millions pour l'affaire Clinton-Levinsky. Donc voilà, c'est le genre de contradiction. Quand il y a des photos, c'est plus crédible, quoi, c'est tout. Hein. C'est clair. Si vous saviez le nombre de fausses informations, par exemple, il y a des gens aussi qui essayent de vous tendre des peaux de banane. Moi, j'ai reçu ces jours-ci un message d'un type qui m'a envoyé une sorte de déclaration sur les biens que possède Sarkozy. Hein. Ouais. Alors, ça m'a l'air extrêmement choquant. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Que je répercute ça immédiatement. Mais si vous donnez des fausses informations sur le patrimoine de Sarkozy, vous êtes passible d'un procès. Oui, et c'est pour ça. Donc à ce moment-là, moi j'ai demandé à des lecteurs d'aller se renseigner, qui sont allés sur les sites officiels du journal officiel et qui ont retrouvé les traces de ce truc-là. Et quant à mon correspondant, je lui ai dit, pouvez-vous me donner votre source? Oui, comme font les journalistes. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner la traçabilité de votre information? C'est comme le gars, par exemple, qui vous dit que le budget alloué, c'était ça. Vous lui dites, comment le savez-vous? C'est quoi votre source? C'est sûr, donc c'est pour ça qu'effectivement il faut se méfier et il faut sélectionner son information. Il y a des sites, encore une fois, Patriots Question 9-11, qui est un site qui est composé de témoignages de spécialistes, de militaires, de pilotes, de spécialistes de l'architecture, des bâtiments, témoins, etc. Donc ça, ça fait partie des sources fiables. On va marquer une très courte pause et juste après, on reviendra sur les Twin Towers. C'est sur un des points les plus effarants, c'est celui des explosions éventuelles qui auraient été programmées. On en parlera avec vous. Restez avec nous. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusations before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am another fool like before. Cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am C'est Exocet, toujours avec Jean-Pierre Petit par téléphone. On parle du 11 septembre ce soir et Jean-Pierre Petit, donc je tenais moi à revenir sur les conditions techniques d'effondrement des tours. La thèse officielle dit que ce sont les dégâts provoqués par les impacts qui ont affaibli la structure jusqu'au point où l'effondrement donc est devenu inévitable, et c'est les incendies qui auraient fait fondre l'acier de la structure. Alors vous, en tant que scientifique, comment vous interprétez cette thèse-là? Vous savez, il n'y a pas qu'un scientifique du CNRS qui peut se poser des questions. Vous avez des centaines d'architectes, de spécialistes des bâtiments américains qui se sont posés cette question. D'abord, première chose, les tours, l'acier, ça fond à une certaine température. Hein. Ouais. Ensuite, lorsque cet acier fond, d'abord, il commence par se ramollir parce qu'il est ductile. Donc la tour va, si jamais ça s'était passé comme ça, les morceaux auraient plié. Ouais. Or, ce qu'on voit comme débris sont des segments. Et c'est exactement ce qui se passe dans une démolition contrôlée, où on sectionne les poutres métalliques avec des explosifs. Mmh. Alors ça, je veux dire, c'est une chose que je connais bien, parce que j'ai aussi manié ce genre de technologie il y a fort longtemps. C'est la technique de la charge creuse. Technique de la charge creuse, vous prenez une poutre de bon diamètre, un truc d'un mètre en 50 cm, et à ce moment-là, on met deux plaques explosives en forme de toit, comme un toit de maison. Ouais. Et à ce moment-là, chaque plaque va créer une onde explosive, et les deux ondes explosives vont se conjuguer pour faire un couteau de gaz de plasma qui va couper la poutre droit. D'accord. Alors de même qu'une charge creuse, ça fait un trou dans un char, là on arrive à sectionner les poutres droits. Or, ces poutres sectionnées nettes, on les trouve dans les débris. Et il n'y a pas d'autre... Un avion ne provoque pas de tels dégâts, de toute façon. Et surtout, un incendie ne provoque pas des sections droites de poutres comme ça, c'est pas possible. Alors les experts affirment que des bâtiments tels que le bâtiment 7 du World Trade Center ne se sont jamais effondrés lors d'un incendie, donc des bâtiments inifugés ne se sont jamais effondrés lors d'un incendie de quelque durée que ce soit, donc rien que ce fait-là, ça permet vraiment de s'interroger, sans pour autant être un fanatique de la conspiration, c'est quand même vraiment bizarre. Si vous allez voir sur le site de Reopen ou autre, il suffit de chercher, il y a un film, il y a en particulier, il y a un truc extraordinaire, il y a des photos qui ont été prises d'hélicoptères. Et on les a eues simplement il y a quelques mois. Hein. Mmh. Et je crois que je les ai mises sur mon site. Donc vous avez toutes les photos du site, avec les tours jumelles, etc., prises d'hélicoptères. Et vous voyez le bâtiment numéro 7, mais il n'y a pas de fumée, il ne brûle pas. Ouais. Il a l'air tout à fait tranquille. Et en plus, quand on examine sa structure interne, elle n'est pas faite du tout comme celle des 11 septembre. Des Twin Towers. Les Twin Towers, il y a une théorie officielle d'espèce d'écroulement des piles d'assiettes qui ne tient pas debout non plus, alors que l'autre est construit avec une technique qui s'appelle cantilever, avec des poutres entrecroisées. Il ne peut pas s'écrouler comme ça, sauf s'il est dynamité. Vous m'arrêtez aussi si je me trompe. Il y a un autre élément moi qui m'a troublé sur le crash des Twin Towers, c'est que quand on voit les tours s'écrouler, on a réellement la sensation qu'elles s'écroulent depuis la base. Or, les avions ont percuté les tours à des hauteurs assez élevées. Alors, je me souviens plus des étages précis, mais c'était quand même au sommet des tours. Enfin, c'était au moins aux trois quarts de chaque tour. Or, c'est pas la partie haute qui serait tombée, celle au-dessus de l'impact du crash, mais la partie basse. Et vous savez, il y a des éléments... je veux dire, dans cette histoire, les Américains ont perdu 3000 personnes, avec toutes les familles. Hein. Ouais. Donc, c'est un problème qui les intéresse. C'est pas loin, ça se passe pas au Vietnam, ça se passe pas au bout de la Terre, ça se passe pas en plein New York. Et ce sont des Américains qui sont morts. Donc, il y a des gens qui se sont penchés là-dessus, qui sont des ingénieurs, des architectes. Et quand vous voyez un peu le résultat de ces études, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, on parle de termates. Il y a des examens qui ont été faits sur des débris. La thèse officielle ne tient pas une demi-seconde. Alors, simplement, moi, j'aimerais qu'on passe juste un petit peu au stade suivant. Si la thèse officielle ne tient pas, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien que des terroristes sont incapables d'équiper trois bâtiments comme ça avec des explosifs pour les faire péter, c'est pas possible. Et juste pour terminer donc sur ces détails techniques, il y a beaucoup de survivants qui étaient présents dans les tours quand ça a pété, qui ont mentionné des explosions à répétition, dont un certain William Rodriguez, donc qui est la dernière personne à avoir été retrouvée vivante dans les décombres. C'était le concierge du complexe donc depuis pas mal d'années. Et il se bat d'ailleurs aujourd'hui avec beaucoup d'organisations pour savoir ce qui s'est passé le 11 septembre. Alors son témoignage et ceux des survivants qui étaient avec lui et qui ont entendu les explosions n'ont pas été retenus, c'est quand même très important de le souligner, dans le rapport de la commission. C'était les témoins directs. On ne parle même pas de la tour numéro 7, parce que justement, c'est extraordinaire. Quoi. Oui. Oui, alors ça, c'est aussi un autre point noir surprenant. Voilà. Donc, juste pour préciser pour les auditeurs, au-delà des deux tours qui se sont écroulées, il y en a eu d'autres à côté, dont une fameuse tour numéro 7, qui était à plusieurs centaines de mètres, vous m'arrêtez si je me trompe, mais à plusieurs centaines de mètres, et qui s'est écroulée bien après les deux autres, en plus, qui était bâtie sur une technique de construction, vous l'avez dit tout à l'heure, complètement différente, et donc qui n'a aucune raison de s'écrouler comme ça, suite aux impacts des avions. Les deux tours principales, il n'y avait pas vraiment de raison, je dirais, technique, mais alors celle-là, encore moins, elle n'a même pas été impactée par les deux avions. Il n'y a pas d'incendie non plus, il n'y avait rien. Quand on voit des photos, on voit des petits feux qui intéressent un étage, c'est de la moquette qui brûle, c'est rien. Et quand vous voyez les photos aériennes, il n'y a pas de fumée. Et un truc fou aussi, vraiment, c'est que cette tour numéro 7, sur les images, on le voit, sur toutes les vidéos, on le voit, implose verticalement comme les immeubles qu'on détruit avec des explosifs, quoi. C'est vraiment incroyable. Et puis il y a aussi sur beaucoup de photos des images sur lesquelles on peut voir des effusions, des explosions sur les étages qui sont en dessous de l'endroit où ça brûle, comme si donc il y avait en dessous. Voilà. Parce que lorsque le bâtiment est censé se dégringoler, il y a les Américains ont un nom spécial là-dessus. Il y a des explosions qui se produisent, mais qui sont 20 étages en dessous. Ouais. C'est pas l'aspect du dessous. Alors, au-delà de ça, il y a aussi des éléments troublants. Alors, ça peut être dû au hasard aussi, effectivement. Mais par exemple, on trouve quasiment aucune trace dans les débris des restes d'avions, des restes de passagers. Par contre, on retrouve le passeport du terroriste qui, n'aurait pas brûlé, qui est quasiment à l'état neuf, hein, comme s'il sortait des imprimeries. Est-ce que vous imaginez que vous êtes en train de foncer vers le Twin Tower et vous ouvrez la fenêtre? Mais on ne peut pas ouvrir la fenêtre, je vous signale. C'est clair. Pas fait pour. Mais bien sûr, non, mais c'est clair. Comme si on voulait passer le bras dehors, quoi. Une fenêtre avec un déflecteur comme dans les deux chevaux. Hein, c'est clair. Oui. Et là, très sincèrement, ce n'est pas être encore une fois un fanatique du complot que de dire qu'on a un peu l'impression sur le détail du portefeuille du terroriste, l'impression qu'on nous prend globalement pour des cons, quoi. Globalement, complètement. Là, c'est vraiment un truc. Ce qui est effarant, c'est la démission journalistique française et internationale et cette collusion. Je veux dire. Ou alors ils sont complices ou ils sont cons. Et le problème, c'est que la seconde hypothèse, c'est peut-être la bonne. Oui, malheureusement, c'est peut-être une des hypothèses. Quand on voit un type comme Philippe Val et toute la bande autour de leur plateau et Kieffer en 2004 dans cette émission d'Arte, ils parlent vraiment comme des imbéciles. Mais voilà, comme vous dites, je pense pas qu'ils sont partie active dans le complot qui viserait à faire croire à la population mondiale que les attentats se sont passés comme ça. Donc malheureusement, votre seconde théorie est peut-être la vraie. Mais par contre, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez, vous, donc de ce qui s'est réellement passé. Pourquoi? Dans quel but? Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu 3000 morts. Donc moi, je me penche sur le sujet du 11 septembre depuis pas mal de temps aussi. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est la seule chose moi qui me fait un petit peu relativiser ces attentats. Je me dis que les Américains, effectivement, pour justifier des attaques partout dans le monde ou pour justifier une certaine politique, parce que le Patriot Act, etc., ça découle directement du 11 septembre. Il n'y a pas eu d'attentat, Donc je précise, le Patriot Act, c'est toutes ces lois liberticides qui ont pu être votées aux États-Unis suite aux attentats du 11 septembre en servant du prétexte du terrorisme pour museler la population. Donc voilà, tout ça donc, pour mener cette politique-là, mais faire 3000 morts, faire 3000 morts, ça me paraît quand même complètement excessif. Alors, est-ce que vous pensez... C'est pas excessif, c'est monstrueux. Alors, moi, je vous soumets trois hypothèses. Donc, la première, c'est que la version officielle est la bonne, mais apparemment, vous n'avez pas l'air d'y croire, et personne n'y croit vraiment, on est d'accord. La seconde hypothèse, ça serait qu'ils étaient au courant complètement, et donc, quelque part, ils sont responsables de ces 3000 morts. Au courant de qui? D'un attentat fait par des terroristes, c'est pas possible techniquement. Ou que c'est eux qui les programmaient. Le bâtiment numéro 7, c'est pas possible. Donc, pour vous, ils auraient programmé tout simplement l'effondrement de ces deux tours, et donc seraient directement... C'est une machination de A à Z. D'accord, donc vous pensez que c'est possible, que c'est concevable dans un pays, dans une démocratie, qu'on puisse faire 3000 morts pour justifier une politique? Nous sommes confrontés à la chose, sommes-nous capables de concevoir le monstrueux? C'est tout. D'accord, non, mais c'est une hypothèse. Moi personnellement, c'est le seul point qui m'empêche de complètement basculer, je dirais, dans le... C'est monstrueux. Alors moi justement par rapport à ça, bon là donc on l'a dit, hein, la grande théorie, ça serait effectivement que les attentats du 11 septembre auraient été organisés de l'intérieur par le gouvernement pour que les États-Unis puissent s'asseoir leur domination mondiale, notamment au Moyen-Orient, etc. Bon, alors moi la question face à cette théorie-là, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment est-ce qu'un gouvernement pourrait faire quelque chose d'aussi énorme en sachant que on n'est pas, ils sont pas sous une dictature. Ils savaient, Bush savait, s'il est au courant de l'affaire, que 4 ans après, ça serait un autre président. Et donc, il faut se passer la patate chaude, quoi. Et Bush, c'est un pantin dans cette histoire-là. Revenez quelques années en arrière et voyez l'assassinat de Kennedy. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est Oswald qui a tué Kennedy? Non. Mais mettons que ce soit Paul Wolfowitz qui soit un petit peu derrière tout ça, parce qu'effectivement, c'est certainement plus lui que Bush qui, comme vous dites, est un pantin au sein de ce gouvernement. Mais donc la question de Patrick est pertinente, parce que c'est vrai que là, aux prochaines élections américaines, le prochain président va avoir forcément entre les mains des dossiers confidentiels, si cette théorie de l'organisation interne est vérifiée. Et donc c'est une prise de risque quand même pour toute l'administration Bush de se retrouver un jour accusé directement. C'est pour ça qu'ils essayent de créer la Troisième Guerre mondiale, je signale. Je ne sais pas si vous avez vu, le fait d'installer la flotte américaine à Bahreïn, c'est pas mal. C'est juste à 200 km des côtes américaines. Et là, je veux dire que vous installez cette flotte avec des porte-avions. Hein, et en face, vous avez la côte iranienne avec des montagnes. Et les Iraniens ont des missiles Sunburn qui volent à Mach 2. Hein. Mm-hmm. Et bon, les missiles de croisière, vous savez qu'ils sont subsoniques parce que comme ça, ils peuvent voler, par exemple, un Tomahawk, ça a une portée de 1800 km. Ouais. Mais quand on vole à Mach 2, on consomme plus de kérosène, alors la portée est plus faible, c'est 200 km. D'accord. Mais ces missiles à 200 km, ils sont complètement imparables. Hein. On les a appelés les tueurs de porte-avions. Ce sont des missiles russes, le Kursk qu'on avait à bord d'ailleurs. Et là, ils peuvent être tirés et ils peuvent faire leur approche à partir de l'Iran. En zigzagant dans les vallées des montagnes, donc ils ne sont pas visibles au radar, et à ce moment-là, si ces missiles frappent la flotte américaine, ils font 10 000 morts. Attendez, vous êtes en train de nous dire que les Américains, selon vous, mettraient exprès des porte-avions dans une zone où ils savent qu'ils vont pouvoir se faire dégommer par les Iraniens pour justifier une Troisième Guerre mondiale, en gros, pour résumer. Mais ils ne s'attendent pas à les faire dégommer par les Iraniens, ils auraient fait dégommer par un missile à eux, tiré de sous-marin. D'accord. Imaginez tout d'un coup. Et mettre ça sur le dos des Iraniens en fait. Mais bien sûr, vous avez un truc, vous avez des images épouvantables qui montrent les porte-avions américains, la flotte américaine, ça brûle, c'est épouvantable, et les Iraniens ont commis l'irréparable et ils ont attaqué. Et à ce moment-là, l'Amérique se défend en envoyant des bombes atomiques. Alors, c'est formidable, la guerre mondiale est déclarée. Si dans quelques semaines, dans quelques mois, un tel événement se produit, on repensera à ce que vous avez dit ce soir. Si on est encore vivant, bien sûr. Voilà, on y repensera, parce que, effectivement, c'est inquiétant. Si le 11 septembre est un auto-attentat, alors les gens qui ont fait ça sont capables de faire un truc pareil. Ça, c'est sûr. Ils sont capables de tuer 10 000 marins américains en faisant croire que les Iraniens... Ah, encore plus des militaires que des civils. C'est sûr que s'ils ont été capables de tuer plus de 3 000 civils, des militaires... Ça n'a aucune importance pour eux. Alors, tout à l'heure, on parlait de Marion Cotillard, qui a été raillée pour avoir remis en question la thèse officielle. Alors, Marion Cotillard, c'est une cible facile, elle est un petit peu naïve. Dans la même interview, d'ailleurs, elle disait que peut-être que les Américains n'avaient pas marché sur la Lune, etc. Mais oui, il n'y a pas que des petites starlettes qui remettent en question cette thèse, puisque il y a eu notamment l'ancien président italien, donc ça s'est passé dans la version en ligne du grand quotidien italien, le Corriere della Sera, qui a publié la prise de position de l'ancien président italien qui s'appelle Francesco Cossiga, et il disait, je cite, « On nous fait croire que Bin Laden aurait avoué l'attaque du 11 septembre 2001 sur les deux tours à New York, alors qu'en fait, donc je cite, je précise bien, alors qu'en fait les services secrets américains et européens savent parfaitement que cette attaque désastreuse fut planifiée et exécutée par la CIA et le Mossad dans le but d'accuser les pays arabes de terrorisme et de pouvoir ainsi attaquer l'Irak et l'Afghanistan. Et selon lui, ce fait serait connu de tous les services secrets du monde. Alors, si n'importe qui d'autre dit un truc pareil, évidemment, on va crier au complot, à la folie. Mais là, on parle quand même de l'ancien président de l'Italie. C'était aussi l'ancien président du Sénat italien, qui est réputé là-bas pour sa probité, pour son honnêteté, pour son franc-parler. Et là, on peut pas mettre de côté le truc totalement, on peut pas se dire bon bah il est barge et puis c'est bon quoi. Il y a quand même vraiment quelque chose de... Et vous savez, actuellement, je pense qu'on s'apprête à faire un saut supplémentaire. Dans les pages jaunes du dictionnaire, vous avez la phrase « Is fecit qui prodest ». En latin, ça veut dire « Celui qui l'a fait, c'est celui à qui ça profite ». Oui. Ben, quand vous prenez dans septembre, quels sont les pays qui profitent de ça? Il y a l'hégémonie américaine et il y a Israël. Alors, la déclaration du président. Le problème n'est pas d'accuser les Israéliens, mais aux États-Unis, tous les Américains ne sont pas des gens épouvantables. Regardez Patriot Question Money. Il y a des gens fantastiques. Et d'ailleurs, il y a plus de 30% de la population américaine, selon les sondages, qui doutent et qui pensent que l'administration a quelque chose à voir dans cette affaire. Donc voilà, il ne faut pas imaginer les États-Unis comme une espèce de gros bloc unilatéral. Non. Et juste, le président italien, ça s'est passé en 2007, mais ce n'est pas un cas isolé, hein, puisque les gens commencent à parler, les gens haut placés. Donc le 11 janvier 2008, un député et membre du Parti démocrate japonais qui s'appelle Issa Fujita a fait une déclaration de 30 minutes au Parlement, donc, dans laquelle il a exprimé ses diverses interrogations sur le 11 septembre et sur la guerre contre le terrorisme. Alors ce député a demandé au gouvernement japonais s'il avait fait sa propre enquête et s'il avait des preuves de la responsabilité d'Al-Qaïda. Il a ensuite rappelé que plusieurs personnes à travers le monde, en particulier des personnes d'influence, hein, remettaient en question cette thèse officielle. Et il a mis en avant les faits principaux qui démontrent que la version ne tient pas. Il a parlé notamment, comme on l'a fait, du Pentagone, l'écroulement des tours, la non-interception des avions détournés, parce qu'il faut dire ça aussi. Le NORAD... qui est donc l'organisme qui contrôle l'espace aérien des États-Unis intercepte des avions sans arrêt. Je vous coupe parce que les gens peuvent y avoir accès à travers mon site puisque la vidéo est en ligne, enfin, etc. Vous savez, il y a un japonais, un japonais d'origine, un américain, qui était avec Cheney au moment de l'attaque du Pentagone. Hein, et il était dans une espèce de cellule de crise. Et il raconte, et ce type-là, c'est le ministre des Transports, le secrétaire d'État aux transports américains. Et pendant l'attaque du Pentagone, Cheney est en train de contrôler une mission d'interception d'un avion imaginaire qui se trouve à 200 km à l'est, au-dessus de l'Atlantique. Hein. D'accord. Et à ce moment-là, lui, il est un peu effaré, et il y a un jeune qui rentre à 3 reprises et qui dit au président Cheney, l'avion n'est plus qu'à 70 km, l'avion n'est plus qu'à 30 km, l'avion n'est plus qu'à 10 km. Le truc qui est en approche du Pentagone. Ouais. Et quand ça n'est plus que 10 miles, c'est-à-dire 18 bornes, le jeune dit à Cheney, est-ce que vous changez les ordres? Et Cheney lui répond très sèchement, avez-vous entendu quelqu'un qui vous ait dit de changer les ordres? D'accord. Et le japonais n'a compris qu'après, mais il est témoin. Alors, figurez-vous qu'il a témoigné à la commission du 11 septembre et que son témoignage vidéo a été extrait du dossier. L'émission va s'arrêter parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Par contre, je voulais juste citer en vrac aussi d'autres événements qui sont quand même troublants. Donc on a tous ces éléments-là et on a aussi toute cette enquête bâclée qui a jamais été au bout, et malheureusement on va devoir conclure là-dessus, et je vais laisser le mot de la fin à Patrick. Alors ouais, donc le but de l'émission de ce soir, c'était pas de dévoiler la grande vérité cachée par une quelconque conspiration. Le but, c'était simplement de rappeler qu'il reste beaucoup de questions sans réponse concernant l'événement le plus important de ces 10 dernières années. Libre à chacun de se forger une opinion à présent, mais pour en savoir plus, donc allez sur le site reopen911.info, où sur vous pourrez trouver, ou sur le site de Jean-Pierre Petit, où vous pourrez trouver des documents très intéressants qui vous permettront de vous forger une autre opinion que celle qui est largement diffusée donc, par les médias officiels. C'était Exocet. Cette émission sera rediffusée dimanche soir à 22h. Juste après, c'est la récréation. Vous quittez la face cachée du monde, mais vous restez sur Rage. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.